Faustine apprend. Faustine a de la chance. Philippe, son voisin, le fils de la concierge, sort de l'immeuble en même temps qu'elle, en route vers le collège. Il l'ignore encore, mais elle est très amoureuse de lui. Hélas, il a 12 ans et elle seulement 8. Alors bien sûr, il ne la remarque même pas. Sur le trajet, elle rencontre Pascal, un camarade de sa classe. Elle lui sourit en lorgnant sur ses mains. Il lui arrive de terminer son dessert en route. Parfois, c'est une tartine beurrée saupoudrée de veau maltine. Une friandise exceptionnelle qui n'existe pas chez Faustine. Pascal est généreux. Il partage volontiers. Ah, se nourrir, satisfaire sa gourmandise, c'est toujours un problème. Ce n'est pas qu'elle ait tout le temps faim, non? Mais les tentations sont nombreuses et donc les frustrations aussi. Elle commence à 10 heures déjà. Quand la boulangère vient dans la cour de récré avec une corbeille remplie de petits pains, croissants et autres viennoiseries. L'odeur est si cruelle. Faustine se retient difficilement de quémander quelques miettes aux riches qui pavoisent leurs croissants à la main. Maman n'a aucune compassion. Si elle accorde parcimonieusement à sa fille les 20 centimes nécessaires à son bonheur suprême, un petit pain au sucre, encore faut-il qu'elle les ait péniblement gagnés à quelques tâches ingrates. D'ailleurs, depuis qu'elle a commencé l'école, Faustine est seule responsable de son petit déjeuner. Maman, la paresseuse, reste au lit. Et tant pis si elle n'a pas assez mangé et que son estomac crie famine entre 10 heures et midi. Tiens, puisqu'on parle de maman, Faustine se souvient du couvage de l'autre mercredi. Elle avait imploré la permission d'inviter 3 gamins qui venaient d'emménager en face. Toute contente que sa mère ait accepté, exceptionnellement, de les recevoir, elle a transmis l'invitation. Or, ses nouveaux potes se sont mis à la snober, puis à clabauder. Maman a soufflé alors agacée. « Tu n'as qu'à leur promettre qu'il y aura des gâteaux. » Ce qui fut signifié aussitôt. Les enfants sont venus. Comme il pleuvait, ils ont joué 2 longues heures dans la chambre de la fillette. Et voilà qu'à l'heure tant attendue du goûter, maman s'est pointée avec 4 pommes et autant de verres d'eau. Tu parles d'une punition. Faustine n'a plus jamais revu ses nouveaux amis, ni pardonné à maman. Par contre, l'autre jour, alors qu'elle était assise au soleil sur les marches devant le collège, attendant le début de l'étude, une dame inconnue lui a apporté un morceau de pain noir sous une barre de chocolat. Quel délice ! Faustine se jure bien de ne plus jamais manger du chocolat tout seul. La fillette termine sa 8e année. Cet été, toute la famille, y compris Gerda, la jeune fille au père, part en vacances en Italie. Et en wagon lit, s'il vous plaît. Faustine saute de joie. Ils sont seuls dans un compartiment à 4 au départ de Lausanne. Dans un premier temps, ils descendent à Rimini sur l'Adriatique. Faustine adore les voyages. Elle regarde le paysage, lisant son livre uniquement quand ce n'est pas intéressant dehors. Dans les tunnels, par exemple. À l'heure du souper, on pique-nique. Maman est la reine des sandwichs. Après quoi, on fait une toilette sommaire et hop, au lit. Maman installe les enfants tête bêche sous les draps. Elle dormira sur la couchette du dessous, papa en face d'elle, Gerda sur la dernière couchette. La fillette dort comme un bébé. Elle a aimé écouter, bien protégée dans son cocon, entourée de ses parents, les voix inconnues qui annonçaient les gares successives. Elle a entreaperçu, juste avant de sombrer dans le sommeil, les lumières jaunes des stations traversées. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, elle découvre la mer. Une immense étendue bleue, sans montagne en face. On est loin du lac Léman, mais il ne faut pas traîner. On s'habille. On boit un verre de lait en attendant mieux. Prochain arrêt, Rimini. 1 heure plus tard, tout le monde se retrouve sur la plage. Stéphane, qui aura bientôt 3 ans, s'approche de l'eau. Soudain, attrapant une cuillère à soupe abandonnée sur le sable, il se penche et goûte l'Adriatique. Pouah, c'est vraiment trop salé. Il crache, fait la moue pendant que tout le monde éclate de rire. Pour leur premier petit déjeuner italien, la famille s'installe à la terrasse du seul café ouvert si tôt. Pendant que les parents dégustent un ristretto avec une tonne de sucre, les enfants savourent un cioccolate et dévorent une ciabatta. Ce sont des petits pains sans sel qui ont le goût de carton. Faustine les adopte tout de suite. Elle les trouve tout simplement délicieux. Ensuite, pendant que Gerda garde les enfants au bord de l'eau, les parents vont à la recherche d'un logis. Pas besoin de réservation, paraît-il. Il y a toujours de la place. De fait, ils trouvent rapidement une pensione. Les enfants se partageront une sorte de cagibi borgne avec deux lits cages, à côté de la chambre parentale. En ressortant, Faustine remarque la douche placée juste devant la porte d'entrée. Après une longue journée à la plage, elle permet de laisser le sable à l'extérieur. Ce serait chouette à la maison. Une fois réglés les problèmes d'intendance, le joyeux quintet passe la matinée sur les transats ou dans l'eau, et l'après-midi à faire le tour des pharmacies à la recherche d'une pommade efficace contre les coups de soleil. À son habitude, maman a rougi dès les premiers rayons. On craint l'insolation. Est-ce l'exposition prolongée ou les fruits de mer mangés la veille? Manifestement, les parents n'ont pas bien dormi. Ils sont tout chiffonnés et font la gueule. Dès le matin, ils décident de tenter leur chance ailleurs. Ils trouvent leur bonheur à Pesaro, légèrement plus au sud, dans la botte. Aussitôt, ils remontent chercher les enfants et Gerda. Déjà, ceux-ci ont pris des couleurs, sans passer par l'étape écrevisse. Cette nouvelle pension est nettement plus accueillante que la précédente. Faustine s'amuse à écouter les parents baragouiner et rire avec les patrons. Papa prétend savoir parler italien et il est très drôle avec son langage des signes. Les repas sont des moments extraordinaires. Toute la pension est rassemblée autour d'une immense table à la mode italienne et la nonna apporte les plats. On commence systématiquement par une platée de pâtes fumantes, bientôt suivie par des piccata ou du poisson. C'est selon. Après, bien sûr, on passe au dessert. Mais comme ce sont souvent des fruits, pouah ! Faustine, quittons la table sans regret, va retrouver son livre. Elle reviendra dans un moment quand la nonna fera la distribution de gelati au bambini. Maman leur a bien recommandé à elle et à Stéphane. Vous dites trois fois non avant d'accepter. Alors Faustine s'est entraînée à déclamer « Non, non, non, non, non, non » le plus vite possible, de peur que la nonna change d'avis. Après le repas, en guise de promenade digestive, la famille se dirige vers le petit parc qui fait face à la pension. Un jardin magnifique, composé de buis sculptés dans toutes les formes possibles et imaginables. Les jardiniers se sont donné beaucoup de peine afin de créer ces merveilles, les entretenant pendant tout l'été. On admire un train miniature, une locomotive tirant ses wagons. Plus loin, carrément, un village entier. Faustine a de quoi alimenter son imagination. Un matin, papa, qui est en lève-tôt, est venu la réveiller. À l'aube. Et les deux sont partis se promener jusqu'au port afin d'assister au retour des pêcheurs. C'est la première fois depuis la naissance de Stéphane que Faustine se promène toute seule avec papa. Autant dire qu'elle profite du moment. Hélas, comme elle est devenue trop lourde, il ne peut plus la prendre sur ses épaules. Cependant, elle apprécie la confiance de l'adulte qui s'adapte à son pas et la laisse marcher seule à ses côtés. Arrivés au port, ils se baladent au milieu des pêcheurs et des étals de poissons, s'approchant du quai où les retardataires finissent de débarquer la pêche du jour. Ils admirent leur professionnalisme et la rapidité avec laquelle ils réduisent leurs filets. L'un d'eux tente à la fillette quelque chose de foncé qu'il vient de détacher d'entre les mailles. Elle l'attrape, l'observe et le montre à papa. C'est un hippocampe, aussi appelé cheval de mer. Faustine trouve son nouvel ami magnifique. Elle le gardera précieusement longtemps, jusqu'à ce que maman décide que l'animal empuantit tellement la chambre qu'il vaut mieux s'en débarrasser. En Italie, quand les enfants sont couchés, les parents sortent s'amuser. Papa emmène danser ses deux blondes, sa femme et Gerda, la jeune fille au père. On lui dégotera bien un chevalier servant sur place. La distraction la plus prisée de l'été, c'est les concours de beauté. Bien sûr, maman et Gerda, blondes aux yeux bleus toutes les deux, mises en compétition avec les filles du cru, noiraudes à l'iris foncé, gagnent à tous les coups. Le touriste est roi, n'est-ce pas? Après l'élection, Le spumante coule à flots et les élus reçoivent chaque soir une nouvelle écharpe de Miss aux couleurs italiennes. Une photo souvenir et un immense bouquet de fleurs l'accompagnent. C'est Nonna Polidori, la patronne de l'auberge, qui est contente. Cette année, les fleurs sont gratuites. Vers la fin du séjour, papa et maman explorent Venise en amoureux pendant que Gerda s'occupe des enfants. Puis les vacances se terminent et tout le monde reprend le train vers la Suisse en se promettant bien de revenir. Ils y retourneront l'année suivante, mais cette fois sans Gerda. À la pensione, bien des choses auront changé. Nonna Polidori aura pris sa retraite et transmis la maison à son fils. L'ambiance ne sera plus tout à fait pareille, mais Faustine ne s'en rendra pas compte. Insouciante, elle nagera de plus en plus loin, construira d'immenses châteaux de sable avec Stéphane et papa, restera parfois plongée dans ses livres au point d'en oublier de sortir manger les gelati. Elle comprendra que la vie ne vous repasse jamais exactement les mêmes plats.